C'est quoi l'équivalent? L'équivalent de 500 euros. Bon, quand on dit l'équivalent de 500 euros, ça c'est pas, on peut pas se fier, c'est pas fiable. Pourquoi? Parce que en vérité, ça va monter, ça va descendre en fonction du cours de l'argent. Vous voyez, donc le plus, le mieux, c'est que tu dis entre 400 dinars, dirhams et 500 dirhams. Pour le dirham, c'est les pièces en argent pur qu'utilisaient les Arabes à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Vous voyez ? Et un dirham, il fait environ 3 grammes d'argent. Un dirham, il fait environ 3 grammes d'argent, donc tu multiplies par 500. Et ensuite, tu regardes le cours de l'argent à ton époque et tu auras la somme à peu près que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépensait pour ses épouses. Et tout ça pour dire que l'insan alladhi manna Allahu alayh fala bas an yabsat. Et ça c'est pour montrer que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une capacité financière, il n'y a aucun mal à ce qu'il dépense cette capacité qu'il donne à son épouse. Bien sûr, le mieux, c'est de ne pas dépasser le montant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même fixé pour ses épouses ou pour ses filles. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses filles, sont les meilleures des femmes à la lettre là. Donc ce sont celles qui méritent les meilleures des dots. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la meilleure des dots. Oui. طيب on termine juste ce chapitre. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف آثر الصفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé un de ses compagnons, le noble Abd al-Rahman ibn Auf, qui fait partie des 10 personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, et il l'a croisé et il a trouvé sur lui des traces jaunes sur son vêtement. Il a trouvé des traces jaunes, c'est les traces en général d'un parfum féminin. Donc le prophète, lorsqu'il l'a vu, il s'est étonné, il lui a dit qu'est-ce que c'est que cela sur toi, qu'est-ce que c'est que cette trace sur toi? Et le compagnon lui a dit: ô prophète d'Allah, je me suis marié avec une femme monnayant comme dot wazn nawat min dhahab, une très faible quantité d'or. C'est-à-dire une petite quantité d'or. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك وأولم ولو بشات. Et donc le prophète sallam il lui a fait la dua. Et là on voit que on peut s'imiter juste à cette dua là que le prophète sallam il a fait pour cette personne. بارك الله لك. Il lui a juste dit بارك الله لك. Qu'Allah bénisse ton affaire ou mette sa bénédiction sur toi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, organise une walima même si ce n'est qu'avec un mouton. Même si ce n'est qu'avec un mouton. Taïb. Donc dans ce hadith, parmi les fawaïd, l'obligation de donner une dot. Et on voit que le prophète, ce noble compagnon a donné sa dot bien que elle soit une dot, ce n'est pas de la monnaie. Là, il a donné de l'or. وهذه عادة العرب قديما وحديثا أن مهور نساءهم أكثرهم بالذهب. Et ça, ça fait partie des traditions arabes que la dot se donne le plus souvent, que la dot se donne en or. Non. Donc ce compagnon, il a donné, en guise de dot, une très faible quantité d'or. Non. Ou le dhahab lil mar'a, yani min madha min al-alat min alati at-tajammul. Et le il faut savoir que l'or pour la femme, ça fait partie des instruments qui l'embellissent. Ça fait partie des instruments qui l'embellissent. Et c'est pourquoi il lui est permis à la femme de porter de l'or d'un rijal, contrairement aux hommes. Et là, donc, on voit aussi la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour celui qui est le nouveau marié. Et on voit que c'est une sunna d'appeler, pour le nouveau, d'appeler la bénédiction d'Allah azzawajal pour le nouveau marié. Au cas d'un cas, le fait de faire la walima. Al walima, c'est une obligation à la sahih. C'est une obligation à la sahih. Et la walima, بعد الإخوة يعني يكلفون فوق طاقتهم. La walima, certains frères, ils s'imposent à eux-mêmes ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Regarde, le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit أولم ولو بشات. Fais ta walima même si ce n'est avec un mouton. Bon, faut savoir qu'à l'époque, un mouton c'était simple pour eux. Chez Basit, Jiddan, parce qu'eux ils sont sur des walima avec des chamelles. 10, 15, 20. 30. Ça veut dire là quand il dit un mouton, c'est simple. C'est comme si là je dis avec un poulet. Alaftum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a simplifié la chose. Et le prophète lui-même, lorsque il a célébré son mariage dans certaines walima, il a fait un repas de mariage sans même de la viande. Sans qu'il y ait de viande. Repas de mariage sans qu'il y ait de viande. Timbre. Date. Halib. L'insan, il a kallif nafsa. Donc l'insan, il n'a pas de udr. Il n'a pas de udr. Celui qui a une walima à faire, qu'il la fasse. Ma indahu ud. Tamam. Fa naktafi bi hadha al-qadr. Wa inshallah, s'il y a des questions, on les prend après la salat. Et on fait directement, inshallah. Illa wahida. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé dans ce hadith que cette communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes ces sectes iront dans le feu de l'enfer, sauf une. Donc on voit qu'il est permis de qualifier les gens, les partisans de la sunna, comme faisant partie d'une secte ou un groupe. Ça va ? Liad al-hadith. Kulluha fi an-nar illa wahida. Toutes ces sectes iront dans le feu de l'enfer, sauf une. Taïb. قيل طيب قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي et lorsqu'on a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام qui est cette secte qui sera sauvée, quel est ce groupe qui sera préservé du feu, il a dit celui ou celle qui sera sur ce sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. وهذا حديث عظيم جدا. عظيم جدا. كل من تمسك بالكتاب والسنة عليه أن يتدبر مثل هذا الأحاديث لا سيما عند ورود الفتن والمشاكل والابتلاءات حتى يثبت على هذه الطريقه الحسنه. Donc chaque personne qui s'accroche à la religion, hein, qui s'accroche au Coran et à la Sunna, se doit de méditer ce genre de hadith. Et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. La méditation des hadith ou la méditation des versets, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Là, le prophète sallam il te dit que le seul groupe qui va être sauvé, c'est celui qui est sur ce que moi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ça montre que l'insan alayhi an yaktafiya bima jaa anillahi wa rasoul. Donc ça montre que la personne elle doit se contenter de ce qui lui est venu de la part d'Allah Azza wa Jal ou de son messager, comme guidé et comme voie à suivre. Naam. Wa la yakhtar bi tariqati al-kuffar wal-munafiqin wa ashab al-dalal wal-ma'asi. Et la personne ne doit pas être trompée par le chemin qu'empruntent les mécréants ou les hypocrites ou les gens des péchés, ceux qui commettent ouvertement des grands ou des petits péchés. Non. Mais il doit rester ferme sur cette voie-là. Il doit rester ferme sur cette voie-là. انظروا الى قول الله سبحانه وتعالى لما يقول لا طيب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ها يعني الكفار ils n'auront de cesse de vous combattre jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion. Jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion. Ça, c'est les paroles d'Allah, Azza wa Jalla. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit juste après ? وَمَيْ مَاذَا وَمَيْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ طيب. Regardez bien ce verset-là. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Et celui qui succombe aux appels de Ahl al-Dalal et qui revient sur sa religion et qui meurt ainsi, Mada ya Hamad? Awalan, tuhbatul a'mal, hona, tuhbatul a'mal. Ça veut dire qu'il va mourir, il est mort dans ce hal là où il est revenu sur sa religion. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il annule toutes ses bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites lorsqu'il était dans l'istiqama, lorsqu'il était dans la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala, il les annule. Wa ashab an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala, يعني يجعله من اهل النار. ولا يجعله لمدة معينة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va pas le mettre parmi les gens de l'enfer pour une période plus ou moins courte, mais pour une éternité. Et c'est pourquoi l'insan mahma ya'ish min al-fitan mahma ya'ish min al-ibtila'at alayya an yathbut ala al-kitab wa sunnah. Et ça, c'est propre pour l'homme comme pour la femme, surtout par rapport aux femmes qui sont plus facile à tromper dans de yani par de faux par de fausses prédications ou par de fausses propagandes. نعم. هذه ربما تسمع بالحرية وتصدق. Certaines femmes, elles peuvent entendre parler de la liberté de la femme et elles croient que من وراء ذلك حرية. Et elles peuvent croire que derrière tout ça, il y a véritablement une liberté. Or, la seule liberté qu'il y a derrière, c'est la liberté de laisser les gens pervers pouvoir mettre la main sur cette noble femme. Naam. Taïb. Donc on revient à ce qu'on disait. Taïb. فَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين خالفوا الكتاب وتفرقوا في دينهم وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع الاعتقادية أو العملية. فالخير في الاجتماع على الحق والشر في التفرق في الدين. Donc les gens de la Sunna, les partisans de la Sunna sont ceux qui s'accrochent le plus à ce principe-là, le principe de l'union. Ala sabil al-mithal. Et pour vous donner en guise d'exemple, j'ai reçu une question il n'y a pas longtemps d'une personne qui vit dans un pays de Kufr et qui dit que dans l'endroit où elle vit, il y a des mosquées, mais il y a autour de ces mosquées, il y a énormément de fitna. Hatta la fitna qad tasma'ha min dakhil al-masjid. Tamam? Donc elle dit, cette personne, elle dit, est-ce que c'est pas mieux pour moi que j'aille dans une campagne, même s'il n'y a pas de masjid? Mais au moins, il n'y a pas de fitna. Et je peux peut-être économiser encore plus d'argent pour pouvoir faire la hijra. Ma huwa al-jawab ya jama'a? Quelle est la réponse, ya muslim? Parce que là, lui, il veut partir. Il veut faire la hijra. Là où il est, déjà, de un, il ne peut pas économiser parce que c'est trop cher. De deux, il y a beaucoup de fitna. Il veut s'éloigner de cette fitna-là, mais il veut se retrouver dans un coin où il n'y a pas de mosquée. Ça y est. Mal Paul. Je ne sais pas, il s'attaque à la rouille. Il va plus être avec les... Il sera plus avec le groupe peut-être. Lui, il va te dire, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens de la Sunna. Voilà. Là où il est, il va te dire, il n'y a pas de gens de la Sunna, il est tout seul ou là, qu'est-ce que là. Lakin, qu'est-ce Je ne sais pas si ça porte atteinte à son deal, non? Si ça porte atteinte à son deal. S'il voit que ça porte atteinte à son deal. نحن نقول له كما قال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس عبد الله بن مسعود يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة أو جان accrochez-vous à l'obéissance c'est-à-dire du gouverneur مسلم et au groupe à la جماعة فإنها حبل الله الذي أمر به car certes la جماعة le groupe c'est le câble d'Allah qu'il a ordonné. C'est le lien d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ Et ce que vous détestez dans le groupe, c'est meilleur que ce que vous aimez dans la jama'a, dans la séparation. Tamam? فَنَحْنُ نَنْصَحْ هَوْلَا بِالْبَقَى حَوْلَ الْمَسَاجِدِ المساجد la mosquée en elle-même elle a un droit. C'est quoi le droit de la mosquée? Qu'on y prie et qu'on l'habite. Le fait que tu te détournes de cela, c'est comme si tu as détruit la mosquée. وماذا يقول الله يا حماد في سورة البقرة ومن أظلم ممن ماذا لا ومن أظلم ممن من ها من أظلم ممن منع مساجد الله أحسنت ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ما معنى وسعى في خرابها الخراب إما بالفعل أو إما بالترك إما بالفعل يخربها خرب أو إما بالترك يتركها تركا لا يعتني بها ولا يصلي فيها ولا ماذا ولا ينظفها ولا يهتم بها دونك لو فيرسي que notre frère Ryan a très bien évoqué Allah subhanahu wa ta'ala selon une traduction approximative il dit qui est plus injuste que celui qui interdit l'accès à la mosquée et qui se précipite pour la détruire Na'am. Et le fait de détruire la destruction de la mosquée se provoque de deux manières, soit par la destruction directe, ou soit par le délaissement, le fait de délaisser la mosquée, de ne pas assister ni au Jumu'ah ni aux prières ni tout ça, ça rentre dans cela. Donc, l'insan, il se doit de rester avec le groupe. Il se doit de rester avec le groupe. Comme a dit notre frère Abou Hind, le diable mange de la brebis égarée. Juste une question sur ce sujet. On va me poser à peu près la même question. Et la personne, il avait pris comme dalil, tu sais, le hadith. Dans le Bukhari, quand il dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Yushikwan Yakuna Khaira Mali Musulina, Hatta dans la fin de la hadith, il dit Yafirou Bidinihi min al-fitan. Naam. Ma hiya hadi al-fitna? Dajjal. Hein? Là, il y a une fitna de le qatl ou le qital. Oui, les dalek. Lakin, al-as, il y a une fitna de le qatl ou le qital. Falladi, bila chak, annaladi yakhsha. Al-Qatl, celui qui craint d'être tué ou le combat ou autre. Mais là, chaque lui, il se doit de fuir avec son, sa religion. Non. Lakin laysa 'inda kulli fitna khalas, tutrak. Et c'est pas dans toutes les fitnas, une fois qu'il y a n'importe quelle fitna, qu'on dit khalas, je crains pour mon dîn, wa amshi. Alaysa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-ibadatu fil haraj kal hijratu ilayya, l'adoration dans le haraj. Le haraj, c'est quoi? Les troubles, la fitan, les fitan. L'adoration dans la période de troubles de fitan, c'est comme mana, c'est comme une hijra, c'est comme une hijra fait vers moi. Naam. طيب على كل حال هذا هو. طيب وهناك كلام جميل جدا سأقرأها عليكم وهو من الإمام الأجري. تسمعون عنه الإمام الأجري؟ أنت déjà entendu son nom محمد؟ إيه الأجري ها؟ لا لا لا لا هذا الحجوري أما هذا الأجري Al-Sharia, naam, c'est l'auteur du célèbre livre Al-Sharia qui évoque le minhaj d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. C'est un livre que toute personne qui prétend ou qui aime suivre la Sunna se devrait d'avoir chez lui pour celui qui comprend l'arabe. Naam, parce que je ne sais pas s'ils l'ont traduit. Le livre, il s'appelle Al-Sharia, la législation. En français. Naam. Wa kunyatu. Ha? Ma ta'rif? Harun? Allah. Allah a'lam. Kunyatu Abu Bakr. Naam. Abu Bakr. Wa huwa imam mashhur, mashhur. Et c'est un imam extrêmement connu. Son livre Sharia, c'est un des livres qui relate le plus les points du minhaj d'Ahle Sunna, les points concernant la voie des gens de la Sunna. طيب, cet imam il dit, Muhammad ibn al-Hussein, il dit, « Inna Allah azza wa jal, bimannihi wa fadlihi akhbarana fi kitabihi amman taqaddama min ahli al-kitabayn, al-yahud wa al-nasara, annahum innama halaku lamma iftaraku. » Donc cet imam il dit, certes Allah il nous a enseigné dans le Coran, hein, il nous a enseigné dans le Coran et il nous a appris au sujet des gens des deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et il nous a appris que ces deux communautés ont été détruites ou se sont égarées à partir de quand? Lorsqu'ils se sont divisés. Lorsqu'ils se sont divisés, ils ont couru à leur perte. Qala wa a'lamana maulana al-karim anna alladhi hamalahum ala al-furqa 'an al-jama'a wal-mail ila al-batil alladhi nahu 'anhu innama huwa al-baghy wal-hasad. Innama huwa al-baghy wal-hasad. Qu'est-ce qui les a poussés à se diviser? Et ça c'est une fa'ita jamila. Jiddan jiddan jiddan. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في تفرق الناس. bil batil. Hein? Pourquoi? Parce que ce qu'il évoque là, c'est vraiment la base de toute division entre les gens. Quand je dis toute division, c'est la mauvaise division. Amma, tu te sépares de ton frère parce que il est devenu mécréant, il n'écoute pas tes conseils et il appelle au batil. Fahada haq. Tu vois ce que je veux dire? Là, Maria ta fille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les séparations, qui est la séparation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, la base de cette séparation, comment elle a commencé dans les communautés d'avant? C'est à cause de quoi? À cause du hasad et du bari. C'est quoi le bari? Le bari. Ah. Ya Ba Ismail. Le bari. Hey, naam. الظلم والعدوان والفساد وغير ذلك من المعاني. Donc le bari, c'est comme a dit Jamal, c'est l'outrance, ainsi que toute forme d'injustice. Toute forme d'injustice, ça rentre dans le bari. Naam. Donc l'injustice ainsi que le hasad. Ou le hasad ma hou. Et c'est quoi le hasad? Ya khala Abu man anta Abu Abdillah. Ya khala Abu Abdillah. Ma hou le hasad? C'est le monde invisible. Le monde invisible. La الحسد يا مسلم الحسد c'est la jalousie. La jalousie. نعم نعم. Donc là, si on demande c'est quoi la cause qui provoque la scission dans n'importe quelle communauté, tu vas chez les toulab al-ilm, تجد إذا هناك فرقة بينهم فستجد أن الأصل الحسد والبغي. بين العلماء الحسد والبغي بين الأخ وأخي ربما من ذلك وفي أي مجتمعات et dans n'importe quelle communauté lorsqu'il y a une division interdite, la base de cette division, ça revient à quoi? Au hasad, à la jalousie et à la l'outrance, la transgression. نعم. طيب فلهذا يا إخوة علينا أن نجتنب الحسد علينا أن نجتنب الحسد ونجتنبه بالتوكل على الله وبصدق الاعتماد عليه وبالإيمان بالقدر وبالرضا بما قسم الله لنا من الرزق وغير ذلك. Donc c'est pourquoi il est très important que chacun d'entre nous, les femmes comme les hommes, les enfants comme les personnes âgées, qu'on s'éloigne de toute forme de jalousie. Qu'on s'éloigne de toute forme de jalousie. Et comment tu repousses la jalousie? En t'appuyant sur Allah Azza wa Jal. En t'appuyant sur Allah Azza wa Jal. Et en agréant son décret. Puisque le jaloux, lui, c'est quelqu'un, en vérité, il contredit ou il est en colère contre le décret d'Allah. Pourquoi il a donné à lui? Pourquoi il n'a pas donné à moi? Tamam? Tandis que celui qui yarda bima qassama Allah lah, fi rizqi, fi ahli, fi awlade, fi jami'i shu'ur, fa huwa la yahasib Allah. Celui qui agresse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, que ce soit par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie de tout entière, s'il agresse pas, il ne sera pas jaloux des gens. Pourquoi? Parce qu'il est avec Allah Azza wa Jal. N'aim. Taïb. Wa mada naqul an qawl mada al-imam ibn Taymiyyah. Et qu'est-ce qu'on dit de la parole de l'imam ibn Taymiyyah lorsqu'il dit ma min jasad illa ما من جسد لا يخلو من الحسد. L'imam ibn Taymiyyah, il a une parole jamil qui dit qu'il n'y a pas un corps sans que il est sans qu'il ne soit préservé de la jalousie. كيف نفهم هذا؟ وهذا مذموم اصلا. ها. Il y a une jalousie qui est autorisée. Il a vu ce matin. Alors je ne. Jamil. Akhouna Abdrahman, il dit c'est. Il vise par cela la jalousie qui est autorisée. Comme le prophète sallam a dit dans un hadith, qu'il n'y a pas de jalousie permise, sauf pour deux cas. Une personne qui a appris le Coran et qui l'enseigne, et une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et qu'il dépense de cet argent. Naam. Lakin al-murad, ma huwa hadha? Normalement, il a de la jalousie, après ça, il y en a qui la retient, c'est il y en a qui la suit. Parce que la fin de la parole, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Taymiyyah, Afwan, j'ai oublié de te dire la fin de la parole, c'est pour ça que tu il dit Lakin al-Karim man yaktumo wal-la'im man yudhira. Le Karim, la personne qui est généreuse, c'est celle qui cache sa jalousie. Et le maudit ou celui qui est blâmable, c'est celui qui la montre. Tamam. Ça veut dire, comme là on peut prendre de cette parole-là, comme a dit notre frère Mohamed, qu'il n'y a pas une personne sans qu'elle ait au fond de sa propre personne de la jalousie. Tamam. Fa kalam l'imam Ibn Taymiyyah. Est-ce qu'on peut prendre cette parole-là comme quoi, là, maintenant, une personne elle a du hasad. La personne elle a de la jalousie. Elle la cache. Elle cache cette jalousie en fond d'elle-même. Elle ne montre pas cette jalousie. La baisse. Yani ma alayha ay dham, ma alayha ay mushkila. Non. Hein? C'est pas bon. Comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme ça. Parce que la jalousie. Okay, ça c'est pas bon. Des mots. Parce que la jalousie peut jeter l'œil, il peut. Non. Fait. Ah, parce que je suis en train de terminer tout à l'heure. Eh ouais, tu vois. Dans ce qui la cache, il l'a en lui, mais il la cache. Oui, il la cache, taïb. Mais il a un combat, voilà. Taïb. Et après, la première de personne, c'est celui qui la montre avec la langue ou avec les mains. Ahsan. Ou avec l'œil. Ahsan. Le but visé par la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, lorsqu'ils disent le Karim, c'est celui qui la cache. C'est pas seulement il la cache. Et khalas. Elle est en lui, tu vois, il est jaloux, c'est en lui. Mais khalas, du moment qu'il la montre pas, c'est bon, il est karim. Non, c'est celui, il la cache, mais il la combat, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il la cache, mais il la combat, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Comme l'imam Ibn Al-Uthaymin, il dit, c'est vraiment madmoum, c'est vraiment blâmable qu'une personne, elle ait de la jalousie pour son frère. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. » Vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Naam. Lakin, le fait que la personne, des fois, elle peut tomber dans une jalousie, hakada, qatahsul. Et lui, s'il n'a pas combattu cela, et que, voilà, c'est ni il l'a montré, yani, on ne va pas dire que. Il a pris un péché. On ne va pas dire qu'il a pris un péché. Lakin, on va dire qu'il n'a pas atteint la perfection. La perfection, c'est d'être avec Allah Azza wa Jal. La perfection, c'est d'être avec Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma su'ila 'ala al-ihsan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? An ta'bud Allah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Na'am. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors certes, lui te voit. Naam. Ou le hasad, yahsul kathiran, la siyama inda nisa. Et surtout, chez les femmes, tajid énormément de hasad. Hadi tahsud, hadi li متاعها أو لشيء من ذلك. وهذا كلها ترجع إلى ضعف الإيمان بالقدر. Et tout ça, ça revient à la faiblesse de la croyance de la personne au qadar. والإنسان ينبغي عليه أن يكون مطمئنا بما قصر بما قسم الله له. نعم يا مسلم. Non, là oui, là on parle de la jalousie qui est blâmable. La jalousie qui est blâmable, c'est qu'est-ce, yani, la définition, yani, à peu près de la jalousie, c'est zawal al zawal, yani tamanni zawal al ni'ma 'inda al ghayb. C'est le fait de souhaiter que le bienfait qui touche une personne, hein, disparaisse de lui. Ça, c'est du hasad. Mais l'imam Ibn Taymiyyah, il va plus loin que ça. Il dit, c'est le fait de détester le bienfait qui est descendu sur ton frère. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit qu'une personne, elle peut détester le bienfait qui est descendu sur son frère sans forcément le voir disparaître. Vous avez compris? La personne, elle peut détester que la Foulan, son matalan, son fils, il a terminé le Coran. Ça, c'est une ni'ma qu'Allah a donné à cette personne. Son fils, il a terminé le Coran. Lui, il déteste cela, mais c'est pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut que son fils, il meure. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut que son fils, il oublie le Coran. Ça veut dire, avec la définition de Shirul Islam, tu comprends que juste parce qu'il a détesté ce bienfait-là, il fait partie des hussad. Il fait partie des gens qui sont qualifiés comme étant jaloux. Donc le fait de détester un bienfait qui a touché ton frère, ça c'est le début de la jalousie. Et en vérité, le hasid, la yantay, il ne trouvera jamais de repos. Il sera toujours hazin. Il sera toujours triste. مسكين لماذا؟ لأن نعمة الله عز وجل على عبده تترى يعني متتالية متكاثرة. بس pourquoi؟ parce que les bienfaits d'Allah عز وجل sur son serviteur ils sont nombreux et ils se suivent, ils se succèdent. Ça veut dire Tara il va voir هنا il a eu du risque. Tara il va voir que là Allah سبحانه وتعالى il a élargi dans telle chose. وهكذا. Donc en fait, le hasid, il n'aura jamais il trouvera du repos. Non, c'est pourquoi l'insan, il doit s'éloigner. Et le hasid, il faut vraiment que vous sachiez que c'est une chose qui arrive dans les meilleurs, entre les meilleurs des personnes, c'est-à-dire les savants. Hasad al-Bukhari. Le Bukhari s'est fait jalouser pour son hifz, jusqu'à ce qu'ils l'ont éprouvé lorsqu'il est arrivé à Bagdad. نعم وغيرهم كثير وغيرهم كثير نعم le fait de souhaiter Sofiane il pose une bonne question Jazakallahu khairan il dit le fait de souhaiter avoir une chose qu'une personne a sans pour autant voir cette chose disparaître de la personne. Est-ce que ça rentre dans la jalousie? Là. Là. Non, ça ne rentre pas dans la jalousie. Ben au contraire, c'est une bonne chose. Ça s'appelle Mada Repta. C'est la bonne jalousie. C'est je l'envie dans le bien, comme souvent on traduit. Je l'envie dans le bien. Et ça, c'est louable. Naam. Quelqu'un qui. Par exemple, il entend parler que son frère, il a terminé, il a terminé le Coran. Lui, il dit, bon, je vais terminer le Coran, Sahih al-Bukhari, pour que je sois au-dessus de lui. Ada, Mada. C'est bon ou là? Hein? Son frère, il a mis l'air de brancher dans sa poche. Mais il a mis une mauvaise niya déjà. Il a une mauvaise niya? En fait, il la prend juste pour dépasser son frère. Il apprend juste pour dépasser son frère. Ah, mais il y a une concurrence dans les bonnes œuvres. Non, c'est la concurrence dans les bonnes œuvres. C'est la concurrence. Après, si, à la base. Là, ouais, si maintenant, si ça va, la base de Saniya, elle est totalement pour la concurrence, voilà. Là. Lakin, min Hez, qui fait une ibada et qui l'aime aussi, avec cette ibada, atteindre les plus hauts degrés et devancer ses frères, fahad à la base. Ça rentre pas là-dedans. Non. Ça rentre dans le fait de concurrencer aux bonnes œuvres. Et Abu Bakr était le meilleur en cela. Fahwa khayr al-umma. Naam. Ibrahim. Abu Bakr. Maïsmo. Abu Bakr. Abu Bakr, c'est quoi son prénom? C'est quoi? Hein? Younes. Saïda. Tu lui donnes la clé? T'as oublié, hein? Inda Sigar. Hajar. Abu Bakr, c'est quoi son prénom? Abu Bakr, c'est quoi son prénom? Tu connais pas? Adrien. Idriss. Abu Bakr, c'est quoi son prénom? Hein? Hein? Là, ça c'est sa kunya. Son prénom. Hein? Taïb. Hein, Raya? Abdullah. Naam, Abdullah. نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب ونأخذ شيئا ما من الكتاب في المتعلق بالنساء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.